poil de carotte, Mathilde. « Tu sais, maman, » dit sœur Ernestine, essoufflée à Madame Lepic, « poil de carotte joue encore au mari et à la femme avec la petite Mathilde, dans le pré. Grand frère Félix les habille. C'est pourtant défendu, si je ne me trompe. » En effet, dans le pré, la petite Mathilde se tient immobile et raide sous sa toilette de clématite sauvage à fleurs blanches. Toute parée, elle semble vraiment une fiancée garnie d'orangers. Et elle en a, de quoi calmer toutes les coliques de la vie. La clématite, d'abord nattée en couronne sur la tête, descend par flots, sous le menton, derrière le dos, le long des bras, volubile, enguirlande la taille, et forme à terre une queue rampante que grand frère Félix ne se lasse pas d'allonger. Il recule et dit « Ne bouge plus, à ton tour, poil de carotte. » À son tour, poil de carotte est habillé en jeune marié, également couvert de clématite où, ça et là, éclatent des pavots, des senelles, un pissenlit jaune afin qu'on puisse le distinguer de Mathilde. Il n'a pas envie de rire et tous trois gardent leur sérieux. Ils savent quel temps convient à chaque cérémonie. On doit rester triste aux enterrements, dès le début jusqu'à la fin, et grave au mariage jusqu'à la messe. Sinon, ce n'est plus amusant de jouer. « Prenez-vous la main, » dit grand frère Félix. « En avant, doucement !» Il s'avance au pas, écarté. Quand Mathilde s'empêtre, elle retrousse sa traîne et la tient entre ses doigts. Poil de carotte galamment l'attend, une jambe levée. Grand frère Félix est conduit par le pré. Il marche à reculons et les bras en balancier leur indiquent la cadence. Il se croit monsieur le maire et les salue, puis monsieur le curé et les bénit, puis l'ami qui félicite et les complimente, puis le violoniste et les racle avec un bâton un autre bâton. Il les promène de long en large. « Halte !» dit-il. « Ça se dérange !» Mais le temps d'aplatir d'une claque la couronne de Mathilde, il remet le cortège en branle. « Aïe !» fait Mathilde qui grimace. Une vrille de clématite lui tire les cheveux. Grand frère Félix arrache le tout. On continue. « Ça y est, » dit-il, « maintenant vous êtes mariés. Bichez-vous. » Comme ils hésitent, « Eh ben quoi, bichez-vous? Quand on est marié, on se biche. Faites-vous la cour, une déclaration. Vous avez l'air plombé. » Supérieur, il se moque de leur inhabilité, lui qui peut-être a déjà prononcé des paroles d'amour. Il donne l'exemple et biche Mathilde le premier pour sa peine. Poil de carotte s'enhardit. Cherche à travers la plante grimpante le visage de Mathilde et la baise sur la joue. « Ce n'est pas de la blague, » dit-il. « Je me marierai bien avec toi. » Mathilde, comme elle l'a reçu, lui rend son baiser. Aussitôt, gauche, gênée, ils rougissent tous deux. Grand frère Félix leur montre les cornes. « Soleil ! Soleil !» Ils se frottent deux doigts l'un contre l'autre et trépignent, des bousillots aux lèvres. Sont-ils buses? Ils croient que c'est arrivé. D'abord, les poils de carotte, je ne pique pas de soleil. Et puis ricane, ce n'est pas toi qui m'empêcherais de me marier avec Mathilde, si maman veut. Mais voici que maman vient répondre elle-même qu'elle ne veut pas. Elle pousse la barrière du pré. Elle entre, suivie d'Ernestine, la rapporteuse. En passant près de la haie, elle casse une rouette dont elle ôte les feuilles et garde les épines. Elle arrive droit, inévitable, comme l'orage. « Gare les calottes !» dit grand frère Félix. Il s'enfuit au bout du pré, il est à l'abri et peut voir. Poil de carotte ne se sauve jamais. D'ordinaire, quoique lâche, il préfère en finir vite, et aujourd'hui, il se sent brave. Mathilde, tremblante, pleure comme une veuve avec des hoquets. Poil de carotte, ne crains rien. Je connais maman, elle n'en a que pour moi. J'attraperai tout. Mathilde, oui, mais ta maman va le dire à ma maman et... « Maman va me battre. » Poil de carotte. « Corrigé. » On dit corrigé, comme pour les devoirs de vacances. Est-ce qu'elle te corrige, ta maman ? Mathilde. « Des fois, ça dépend. » Poil de carotte. « Pour moi, c'est toujours sûr. » Mathilde. « Mais je n'ai rien fait. » Poil de carotte. « Ça ne fait rien. Attention !» Madame Lepic approche. Elle les tient. Elle a le temps. Elle ralentit son allure. Elle est si près que sœur Ernestine, par peur des chocs en retour, s'arrête au bord du cercle où l'action se concentrera. Poil de carotte se campe devant sa femme, qui sanglote plus fort. Les clématites sauvages mêlent leurs fleurs blanches. La rouette de Madame Lepic se lève, prête à cingler. Poil de carotte, pâle, croise ses bras, et la nuque raccourcie, les reins chauds déjà, les mollets lui cuisant d'avance, il a l'orgueil de s'écrier. « Qu'est-ce que ça fait, pourvu qu'on rigole ?»